Vous écoutez Radio Croix en Jésus. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Les Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant de monter au ciel, il avait donné ses instructions par la puissance du Saint-Esprit aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres. Après sa mort, il se montra à eux, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins pour parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. » Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il le regardait, et un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem, depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le nationaliste, et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, comme les croyants étaient réunis, au nombre d'environ 120, Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit, « Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. S'exprimant par la bouche de David, il y a parlé d'avance de Judas, qui devint le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un des membres de notre groupe et avait reçu sa part de notre travail. Avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, cet homme s'acheta un champ. Il y tomba la tête la première, son corps éclata par le milieu, et tous ses intestins se répandirent au dehors. Tous les habitants de Jérusalem ont appris ce fait, de sorte qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue « Hakeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes. « Que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite. » Et il est encore écrit « Qu'un autre prenne sa fonction ». Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour être témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous pour aller au ciel. On proposa alors deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et Matthias. Puis, tous ensemble, ils prièrent ainsi. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux hommes tu as choisi pour occuper la place de Judas dans cette fonction d'apôtre qu'il a quittée pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent alors au sort pour choisir l'un des deux. Le sort désigna Matthias, qui fut ajouté au groupe des 11 apôtres. Chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, un bruit semblable à celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent de ce fait à dire dans toutes sortes de langues ce que le Saint-Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Il y a parmi nous des gens qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte, et de la partie de la Libye qui est proche de Cyrène. Il y a ceux qui sont venus de Rome. Il y a ceux qui sont nés juifs, et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Crète et d'Arabie. Et pourtant, tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. » Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule, « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils prophétiseront. J'accomplirai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Et alors tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a montré l'autorité, car Dieu a accompli par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des hommes pécheurs. Mais Dieu l'a ressuscité, il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Et même dans la faiblesse de mon corps, je reposerai avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le monde des morts, tu ne permettras pas que celui qui t'appartient connaisse la pourriture. » Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enterré. Et sa tombe se trouve encore aujourd'hui parmi nous. Mais il était prophète. Et il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, d'accorder à l'un de ses descendants la position de roi, qui était la sienne. David a vu d'avance ce qui allait arriver, et il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il a dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts, et son corps n'a pas connu la pourriture. » Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les persuader et les encourager. Et il disait, « Acceptez le salut en vous séparant de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes. Tous les croyants étaient unis et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et se faisaient aimer de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Chapitre 3. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et le déposait là, pour qu'il puisse demander de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer, et il leur demanda un don. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui, et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un saut, il fut sur ses pieds, se tint debout, puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait Galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces mots. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ?» ou à cause de notre attachement à Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné gloire à son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités, et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste, et vous avez préféré demander à Pilate de vous accorder la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité, et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus, avec la foi en ce nom, qui a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Messie devait souffrir. Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur pourra faire venir des temps de repos et vous envoyer le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel, jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et détruit. » Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous, les uns après les autres, également annoncé ces jours-ci. La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous. Et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham, « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » Ainsi, Dieu a fait apparaître son serviteur pour vous d'abord. Il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. Chapitre 4. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres enseignent le peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent revenir à la vie. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message annoncé crurent. Et le nombre des croyants s'éleva à 5000 hommes environ. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi, s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous accompli cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien. Puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme, et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ressuscité. Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui seul, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes le nom de quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux d'anciens compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait debout auprès d'eux, et ils ne trouvaient rien à répondre. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, « Que ferons-nous de ces hommes ?» Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle remarquable a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que la nouvelle de cette affaire ne se répande pas davantage parmi le peuple, « Défendons-leur avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. » Ils les rappelèrent alors et leur ordonnèrent de cesser complètement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Mais nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menacèrent à nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Quand ils eurent entendu ce récit, les croyants se mirent ensemble à prier Dieu en ces mots. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, au moyen du Saint-Esprit, as dit par la bouche de David, notre ancêtre et ton serviteur, pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles? Les rois de la terre se sont mis en position de combat, et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre son Messie. car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils ont ainsi accompli tout ce que dans ta puissance et ta volonté, tu avais décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des guérisons, des signes et des miracles se produisent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'esprit. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, dont la femme s'appelait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit et garder pour toi une partie de l'argent rapporté par ce terrain ?» Avant que tu vendes ce terrain, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut, et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour cette somme-là ? » Et elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. De nombreux signes et miracles étaient accomplis par les apôtres au milieu du peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyait au Seigneur et s'ajoutait à leur groupe. Et l'on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des lits et des nattes, afin qu'au moment où Pierre passerait, son nombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres. Ils décidèrent d'agir. Ils arrêtèrent les apôtres et les mirent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Tôt le matin, ils allèrent dans le temple et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui réunirent tous les anciens du peuple juif pour une séance du conseil supérieur. Puis ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais quand les gardes arrivèrent à la prison, ils ne les y trouvèrent pas. Ils retournèrent au conseil et firent le rapport suivant. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert les portes, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Lorsque le chef des gardes du temple et les chefs des prêtres eurent entendu ces paroles, ils ne surent que penser de la disparition des apôtres, et ils se demandèrent ce qui allait arriver. Puis quelqu'un survint et leur dit, « Écoutez, les hommes que vous avez mis en prison se trouvent dans le temple, où ils enseignent le peuple. » Le chef des gardes partit alors avec ses hommes, et ils ramenèrent les apôtres. Mais ils n'usèrent pas de violence, car ils avaient peur que le peuple leur lance des pierres. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant le conseil, et le grand prêtre se mit à les interroger. Il leur dit, « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme. Et qu'avez-vous fait? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem, et vous voulez nous rendre responsables de sa mort. » Pierre et les apôtres répondirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus, que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de vie et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit à l'assemblée, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Teudas, qui prétendait être un homme important. Environ 400 hommes se sont joints à lui. Mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent, et il ne resta rien du mouvement. » Après lui, à l'époque du recensement, est apparu Judas le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à sa suite. Mais il fut tué lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Car si leur entreprise et leur œuvre viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu. » Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre, et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être traités avec mépris pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils continuaient sans arrêt à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus, le Messie. Chapitre 6. En ce temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays. Ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors tout le groupe des disciples et leur dirent, « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » Le groupe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choisirent alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Puis ils les présentèrent aux apôtres, qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. Étienne, qui était rempli de force par la bénédiction de Dieu, accomplissait de grands miracles et signes parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à Étienne. C'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie, et d'autre part des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais il ne pouvait pas lui résister, car il parlait avec la sagesse que lui donnait le Saint-Esprit. Ils payèrent alors des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu ». Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis ils s'approchèrent d'Étienne, s'emparèrent de lui et le conduisirent devant le conseil supérieur. Ils amenèrent aussi des gens qui portaient de fausses accusations contre lui. « Cet homme, disait-il, ne cesse de parler contre notre Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le Temple et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. » Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Chapitre 7. Le grand prêtre demanda à Étienne, « Est-ce vrai ?» Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il aille habiter Charan, et lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham quitta alors le pays des Chaldéens, et alla habiter Charan. Puis le père d'Abraham mourut, et Dieu le fit passer de Charan dans ce pays où vous vivez maintenant. Dieu ne lui donna là aucune propriété, pas même un terrain de la largeur du pied. Mais Dieu promit qu'il lui donnerait le pays, et que ses descendants le posséderaient aussi après lui. Pourtant, à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfants. Voici ce que Dieu lui déclara. Tes descendants vivront dans un pays étranger, où ils deviendront esclaves, et où on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, dit Dieu. Ensuite, ils s'en iront de là, et me rendront un culte en ce lieu-ci. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac, une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob, et Jacob circoncit les 12 patriarches. Les patriarches furent jaloux de Joseph, et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna à Joseph d'être trouvé agréable et de montrer de la sagesse quand il se tenait devant Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur de l'Égypte et de toute la maison royale. La famine survint alors dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. La souffrance était grande et nos ancêtres ne trouvaient rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit reconnaître de ses frères, et Pharaon apprit ainsi quelle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille, qui comprenait 75 personnes. Jacob se rendit donc en Égypte, où il mourut, et où nos ancêtres moururent aussi. On transporta leurs corps à Sichem, et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour une somme d'argent au fils d'Emor, à Sichem. Lorsque le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple s'accrut et devint de plus en plus nombreux en Égypte. Puis un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se mit à régner sur l'Égypte. Ce roi trompa notre peuple et maltraita nos ancêtres en les obligeant à abandonner leur bébé pour qu'il meure. À cette époque naquit Moïse, qui était un bel enfant, agréable à Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Lorsqu'il fut abandonné, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut instruit dans tout ce que connaissaient les Égyptiens et devint un homme puissant dans ses paroles et ses actes. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race, les Israélites. Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de l'homme maltraité et, pour le venger, tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères, les Israélites, comprendraient que Dieu allait leur accorder la délivrance en se servant de lui. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra 2 Israélites qui se battaient, et ils voulurent rétablir la paix entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous » Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse et lui dit « Qui t'a établi comme chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit ces mots, il s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. Là, il eut deux fils. 40 ans plus tard, dans le désert proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson qui brûlait. Moïse fut étonné en voyant cette apparition. Mais comme il s'avançait pour regarder de plus près, il entendit la voix du Seigneur qui disait « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler de peur et n'osait pas regarder. Alors le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. » Ce même Moïse, que les Israélites avaient rejeté en lui disant « qui t'a établi comme chef et juge ?» Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir d'Égypte les Israélites, en accomplissant des miracles et des signes dans ce pays, à la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites « Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. » C'est lui qui se trouvait auprès du peuple d'Israël assemblé dans le désert. Il était avec nos ancêtres et avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre. Mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et désirèrent retourner en Égypte. Ils dirent à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Ils fabriquèrent alors un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils se réjouirent de ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Mais Dieu se détourna d'eux et les laissa adorer les astres du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes, « Peuple d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert ? Non, mais vous avez porté la tente du dieu Moloch et l'image de l'étoile de votre dieu Réphan, ces idoles que vous aviez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. » Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente qui renfermait les tables de la loi. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. En effet, il avait dit à Moïse de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à ceux de nos ancêtres qui vinrent ensuite. Ils l'emportèrent avec eux lorsque, sous la conduite de Josué, ils conquirent le pays des nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'à l'époque de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure au Dieu de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes. Comme le déclare le prophète, « Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre un escabeau sous mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je me reposer? N'est-ce pas moi-même qui ai fait tout cela? Ô vous, hommes entêtés dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, et maintenant c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu, et Jésus debout à droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent hors de la ville, et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Et Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Chapitre 8. Le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup sur sa mort. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison en maison, en arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules dans leur ensemble étaient très attentives à ce que disait Philippe quand elles l'entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralytiques et boiteux étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de Samarie. Il prétendait être un homme important, et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe, et il était rempli d'étonnement en voyant les grands signes et miracles qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux croyants au moment où les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête devant Dieu. Détourne-toi donc de ta mauvaise intention, et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Car je vois que tu es plein d'un mal amer, et que tu es prisonnier du péché. » Simon dit alors à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, les deux apôtres retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Samarie. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et va en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe se leva et partit. Et sur son chemin, un homme apparut. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé de veiller sur tous les trésors de Candace, reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Avance, et tiens-toi près de ce char. » Philippe s'en approcha en courant, et entendit l'Éthiopien qui lisait dans le livre du prophète Ésaïe. « Comprends-tu ce que tu lis ?» lui demanda-t-il. L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter sur le char et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie, il a été comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe prit alors la parole, et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et le fonctionnaire dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?»« Si tu crois de tout ton cœur, lui dit Philippe, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe et le fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Chapitre 9. Cependant, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés sans oser dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne pouvait rien voir. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, et il ne mangea et ne but rien. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias, me voici, Seigneur, répondit-il. » Le Seigneur lui dit, « Pars tout de suite pour aller dans la rue droite, et dans la maison de Judas demande un homme de Tars appelé Saul. » Il prie en ce moment, et dans une vision il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui, afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme, et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. » Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme, et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leurs rois et au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias partit. Il arriva dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt quelque chose de semblable à des écailles tomba des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « N'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui invoquent le nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener au chef des prêtres ?» Mais Saul prêchait avec toujours plus de puissance. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain nombre de jours, les Juifs prirent ensemble la décision de faire mourir Saul. mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le faire mourir. Alors les disciples de Saul le prirent de nuit et le firent passer de l'autre côté du mur de la ville en le descendant dans une corbeille. Quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous en avaient peur car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur sur le chemin et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux, il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Juifs parlant grec et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saul à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait dans le respect du Seigneur. Elle s'accroissait avec l'aide du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lydda. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Aussitôt, Aîné se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé une femme croyante appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas, ce qui signifie gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à aider les pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Joppé avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est proche de Joppé. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec ce message, « Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder. » Pierre partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montrèrent les chemises et les manteaux que Dorcas avait faits quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. Il appela ensuite les croyants et les veuves, et la leur présenta vivante. On le sut dans toute la ville de Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Joppé chez un ouvrier sur cuir appelé Simon. Chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux, et, avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif et priait Dieu sans cesse. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit clairement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a accepté tes prières et l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de Joppé, Pierre monta sur le toit de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait de la nourriture, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux à quatre pattes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de ce que notre loi considère comme impur et malpropre. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Toi, ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva trois fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Mais pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent, « Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ?» Quant à lui, Pierre réfléchissait toujours au sens que pouvait avoir la vision, quand l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a ici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez, pourquoi êtes-vous venus ?»« Nous venons de la part du capitaine Corneille, » répondirent-ils. « C'est un homme bon qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a conseillé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre, se jeta à ses pieds et s'inclina très bas devant lui. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis il continua à parler avec Corneille et entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou malpropre. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a trois jours, à la même heure, je faisais chez moi la prière de 3 heures de l'après-midi. Tout à coup, un homme qui portait un vêtement brillant se trouva devant moi et me dit, « Corneille, Dieu a entendu ta prière et s'est souvenu de l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Joppé pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher, et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Pierre prit alors la parole et dit, « Maintenant je comprends vraiment que Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Tout homme de n'importe quelle nationalité qui le craint et fait ce qui est juste, lui est agréable. Vous connaissez le message que Dieu a envoyé au peuple d'Israël, lui apportant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant à la croix, mais Dieu lui a rendu la vie le troisième jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoin. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité. Il nous a commandé de prêcher au peuple et de proclamer qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. » Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les chrétiens d'origine juive, qui étaient venus avec Pierre, furent très étonnés de ce que le Saint-Esprit donné par Dieu se répande aussi sur des hommes non-juifs, car ils les entendaient parler avec des mots étranges et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces hommes d'être baptisés avec de l'eau, maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Thank you. Chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les chrétiens d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta dans tous les détails tout ce qui s'était passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Joppé et je priais lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardai attentivement à l'intérieur et vis des animaux à quatre pattes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je répondis « Oh non, Seigneur, car jamais rien d'impur ou de malpropre n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre du ciel. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit trois fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Au même moment, trois hommes arrivèrent à la maison où je me trouvais. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. Le Saint-Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici sont également venus avec moi à Césarée, et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Il nous raconta comment il avait vu dans sa maison un ange qui se tenait là et lui disait « Envoie des hommes à Joppé pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, ainsi que toute ta famille. » Je commençai à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu ces mots, ils se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai. Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de vie pour recevoir la vraie vie. » La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué obligea les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, quelques croyants qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-Juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer fidèles au Seigneur avec un cœur ferme. Barnabas était en effet un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église et instruisirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, dirigé par le Saint-Esprit, annonça qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu, en effet, à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent, et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par Barnabas et Saul. Chapitre 12. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était au moment de la fête des pains sans levain. Après avoir arrêté Pierre, Hérode le fit mettre en prison et chargea quatre groupes de quatre soldats de le garder. Il pensait l'amener devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, La veille du jour où Hérode allait l'amener devant le peuple, Pierre dormait entre deux soldats. Il était lié avec deux chaînes, et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre fit ainsi. Et l'ange lui dit « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que faisait l'ange était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé, et dit, « Maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris sa situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies et priaient. Pierre frappa à la porte d'entrée, et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre, et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent saisis d'étonnement. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères, » dit-il encore. Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats, qui se demandait ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les mettre à mort. Ensuite, il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps. Hérode était dans une grande colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Puis, ils allèrent demander à Hérode de faire la paix, car leur pays s'approvisionnait auprès de celui du roi. Au jour fixé, Hérode mit son vêtement royal, s'assit sur son trône, et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria, « Ce n'est pas un homme qui parle, c'est un dieu !» Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode, parce qu'il avait gardé pour lui l'honneur dû à Dieu. Il fut rongé par les vers, et mourut. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Lorsque Barnabas et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem, ils s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. Chapitre 13. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et d'autres qui enseignaient. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors ils jeûnèrent et prièrent, puis posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, ainsi envoyés par le Saint-Esprit, se rendirent à Séleucie, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Quand ils furent arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontrèrent un certain magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. le gouverneur fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Elymas, c'est ainsi qu'on traduit son nom en grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit « Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur ? Maintenant écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. » Aussitôt, les yeux d'Elymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il crut. Il était très impressionné par l'enseignement qui concerne le Seigneur. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, d'où ils se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean-Marc les quitta là et retourna à Jérusalem. Ils continuèrent leur route à partir de Perge et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à l'assemblée pour l'encourager, vous pouvez parler maintenant. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Hommes d'Israël, et vous qui participez au culte rendu à Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger, au pays d'Égypte. Puis il l'a fait sortir d'Égypte en agissant avec puissance. Il le supporta pendant environ 40 ans dans le désert. Il détruisit 7 nations dans le pays de Canaan et remit leur territoire à son peuple comme propriété pour 450 ans environ. Après cela, il donna des juges à nos ancêtres, jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, qui régna pendant 40 ans. Après avoir rejeté Saül, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Cet homme m'est agréable et accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. » L'un des descendants de David fut Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait promis. Avant que Jésus vienne, Jean avait prêché en appelant tout le peuple d'Israël à changer de vie et à être baptisé. Au moment où Jean arrivait à la fin de sa vie, il disait « Qui pensez-vous que je suis ? Je ne suis pas celui que vous attendez. Mais écoutez, il vient après moi, et je ne suis pas même assez bon pour détacher les sandales de ses pieds. » Frères, vous, les descendants d'Abraham, et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui est Jésus, et n'ont pas compris les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus. Et quoiqu'ils n'aient trouvé aucune raison de le condamner à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours, Jésus est apparu à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins pour parler de lui au peuple d'Israël. Nous-mêmes, nous vous apportons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il l'a accompli maintenant pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père. » Dieu avait annoncé qu'il le ressusciterait, pour qu'il ne retourne plus à la pourriture de la mort. Il en avait parlé ainsi, « Je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. » C'est pourquoi il affirme encore dans un autre passage, « Tu ne permettras pas que celui qui t'appartient connaissent la pourriture. » David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu. Puis il est mort, il a été enterré auprès de ses ancêtres et a connu la pourriture. Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Frères, vous devez le savoir,